Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Kefani Wizi, président du parti Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi, Kodebo Iragi Gyandadaye, est détenu à la prison centrale de Mhimba depuis ce mardi. Il est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. 450 ménages du secteur Mbanza Miduha, colline Rukana 2, de la commune Rugomba en province Chibitoke sont obligés de déménager depuis son mardi jusqu'au 1er novembre cette année. Ces populations s'insurgent contre la mesure et le gouverneur indique comme motivation que ces ménages occupent le domaine de l'État. Dans ce journal, les usagers de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge plaident pour sa réhabilitation sur le tronçon Kinindo-Kanyosha qui devient de plus en plus impraticable. Voilà pour le sommaire. Alphonse Kubwimana assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Nous débutons cette édition par la justice. Le président du parti Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi, Kodebo Iragi Gyandadaye, est détenu à la prison centrale de Mhimba depuis son mardi, après avoir été auditionné par le procureur général de la République du Burundi. Les sources en provenance de sa formation politique indiquent que Kefani Wizi est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les mêmes sources ajoutent que cette arrestation serait liée à la publication par le parti Kodebo sur son compte X ancien Twitter, un contenu relatif au point de vue du président de ce parti par rapport à la vie socio-économique du pays à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi, le prince Louis Gwagasore. Le ministère en charge de la sécurité publique annonce avoir appréhendé deux personnes, affirmant que les deux travaillent respectivement avec les propriétaires de comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Elles ont été arrêtées au début du mois d'octobre et leur porte-parole a indiqué au cours d'un point de presse de ce mardi que le dossier sera bientôt transféré à la justice. Pierre Ngurikiye dit que ces deux personnes sont accusées d'escroquerie et diffamation sur les réseaux sociaux. Suivez. Le cas dans certains, Douimana Kenny Claude et Mohisa Medar, qui sont également accusés de cette forme de criminalité-là. La fois passée, on vous disait qu'on était au début de l'enquête. Maintenant, l'enquête au niveau de la police est terminée et on va les transférer à la justice, au parquet, et pour que le dossier puisse suivre son cours normal. Et nous profitons de l'occasion pour vous informer que ces deux personnes sont accusées aussi d'escroquerie, d'imputation dommageable et d'atteinte à l'honneur des individus, mais aussi des institutions. Il y a tout un dossier d'extrait des messages. Nous avons constaté que ces deux individus-là travaillaient en groupe, en réseau, avec d'autres criminels sous des comptes anonymes. Et les plus cités ici, c'est le compte dans certains Yigenga. Vrai, parce qu'il y a un autre faux Yigenga, même si les deux sont des faux comptes, Genga avec tiré qui n'est autre que le compte de anonyme sur lequel agissait Kenny Claude Nduwimana. Et vous pouvez vous-même lire ce qu'il publiait sur son compte. Il y a aussi l'autre compte anonyme, le plus cité, King Burundian, King Umurundi, et bien d'autres comptes que vous voyez, qui vous disent qu'aujourd'hui, ils sont en train de dénoncer, et ils inventent, et ils mettent même des pièces, des informations, parfois qui sont données de bonne foi ou de mauvaise foi, par des gens ici, ou même des fonctionnaires, croyant que ce sont des gens de bonne foi qui veulent à ce que l'Omar soit poursuivi et sanctionné, alors qu'en réalité, non. Les ressources ici, nous les lançons aussi en avertissement. Le ministère de la Sécurité publique, dans ses attributions, appelle la population burundaise à être vigilante face aux escroqueries qui se passent ces derniers jours. Le porte-parole de son ministère indique que la police a arrêté deux groupes de personnes soupçonnées de cybercriminalité, invitant les victimes de tels cas d'approcher la police pour qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Justice, encore deux magistrats du tribunal de grande instance de Rumonge sont dans la prison de Bururi depuis le soir de ce lundi, après être entendus par le magistrat du parquet près la cour d'appel de Bururi. Ils sont tous accusés de corruption selon les sources en provenance de ce parquet. Ces magistrats venaient de passer deux mois de suspension provisoire de leurs fonctions, le point avec Zénon Nzambimane. C'est une femme et un homme, tous magistrats œuvrant au tribunal de grande instance de Rumonge, qui ont été arrêtés et conduits dans la prison de Bururi le soir de ce lundi par le parquet près de la cour d'appel de Bururi. Selon les informations en provenance de ce parquet, ces deux magistrats sont tous accusés de corruption et venaient de terminer une sanction de suspension de leurs fonctions pendant une période de deux mois pour cette même infraction. Depuis le début de cette année, 9 juges, dont 5 du tribunal de grande instance de Bururi, 2 du tribunal de résidence de la commune de Mugamba et 2 greffiers de la cour d'appel de Bururi sont locataires de la maison de détention de Bururi. Certains d'entre eux sont accusés également de corruption par le même parquet près la cour d'appel de Bururi. Depuis Bururi, Zenon Zamimara pour la radio, Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons avec cette édition sur la page droits de l'homme. 450 ménages du secteur Mbaza Midouha, colline Nerukana 2, de la commune Rugomba en province Chibitoke sont obligés de quitter les lieux depuis ce mardi jusqu'au 1er novembre cette année. C'est une décision du gouverneur de Chibitoke de ce mardi, avec comme motif notamment ces populations occupent les propriétés du domaine de l'État et ces populations s'insurgent contre cette mesure, arguant que ces terres leur permettent de se procurer de leurs besoins. Suivez-le au micro de notre correspondant Jackson Bahati. Nous avons mal accueilli cette mesure parce que le président de la République a dit que si un citoyen vit dans un endroit qui ne le satisfait pas, il pourra le quitter et aller là où il voit qu'il peut pratiquer des activités qui le génèrent et revenir. La mesure que le gouverneur vient de prendre ne nous satisfait pas du tout. Cette nouvelle me décourage beaucoup et décourage aussi les agriculteurs. J'ai 40 ans avec 9 enfants. On s'était senti comme chez nous ici. On y pratiquait des activités champêtres pour faire vivre notre famille. Prendre une telle mesure n'était pas la bonne solution. Cette mesure ne nous facilite pas la tâche. Nous sommes Burundais, nous allons quitter ici pour aller où? Nous ne sommes que des agriculteurs et non pas des voleurs. Nous n'avons pas bien accueilli cette mesure parce que nous sommes des orphelins, nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes venus ici pour cultiver du coton et avoir de quoi manger. Ils auraient dû nous donner du temps pour nous préparer à partir. Je demande au président de la République qu'il trouve d'autres parts où nous logeons sans tenir compte où on vient parce que nous sommes des Burundais. Nous demandons au gouvernement de nous trouver des places où nous loger. Nous devons faire vivre notre famille. Que le chef de l'État nous aide pour éviter qu'on continue à déambuler dans les rues. Certains d'entre nous sont âgés. Le gouverneur de la province Cibitoke dit que ces populations n'ont pas de latrine et sont à l'origine de la propagation du choléra dans cette localité dépourvue d'eau potable. Karim Bizoza précise que ces ménages sont sommés de regagner leur localité d'origine dans cette province. Suivez. Nous recevons souvent des lamentations de la part de la population, des hommes et des femmes, soit des femmes laissées par leurs maris et qui sont parties pour s'installer dans les terres domaniales, se trouvant dans la localité Mbanzamidoura, soit des hommes qui regrettent que leurs femmes sont parties pour les travaux champêtres, qui n'en reviennent plus. Après nos investigations, nous avons constaté que ces femmes habitent illégalement dans ce site de Mbanzamidoura. Or, Mbanzamidoura est dit domaine de l'État. Ils se sont appropriés des terres illégalement. Il n'y a ni de centre de santé, ni des écoles, et leurs enfants n'ont pas droit à l'éducation. Pire encore, il y a même des maisons qui sont construites dans le littoral de la rivière, à 10 mètres de la Rusizi, ce qui facilite la fraude, car il suffit juste de traverser la rivière pour être abrité dans l'une de ces maisonnettes. Tous ne sont pas originaires de Cibitoke et quittent leur famille pour se retrouver dans ce site. C'est pourquoi nous avons pris la décision de les faire tourner dans leurs zones respectives dans un délai ne dépassant pas le 1er novembre 2023. Ceux qui s'opposeront à cette décision se verront leurs cabanes détruites. Nous avons constaté qu'il y a des familles et des personnes plus âgées, souvent cultivateurs d'icoton. Nous allons leur trouver des places dans le site de Binyangé, mais les autres doivent obligatoirement regagner leurs collines respectives. Pour les cultures, ils viendront de leur localité pour le labour, pour regagner leur domicile le soir. Karim Bizoza, gouverneur de la province Cibitoke, traduit en français par Placide Niyomungere. Certains propriétaires des parcelles dans le site Kizingwe Bihara, en mairie de Bujumbura, ont saisi le ministère des Infrastructures ce mardi. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent qu'ils réclament la publication du document produit par la commission mise en place pour statuer sur l'attribution des parcelles dans ce site. Ils expliquent qu'ils commencent à s'inquiéter vu que près d'une année vient de passer sans nouvelles. Le ministère promet de les recevoir durant la semaine prochaine. Ngenzeboro Gaspard est parmi ses habitants. Nous avons un problème des parcelles de Kizingwe Bihara. Les propriétaires de ces parcelles jusqu'à présent n'ont pas encore eu leurs parcelles, alors que le ministère, les services du ministère ont travaillé conjointement avec l'association. Ils ont produit un document qui reste dans les tiroirs du ministère. Nous voulons que ce document soit mis, soit apporté à la vue de tout le monde, pour que chacun puisse voir si réellement sa parcelle lui a été attribuée. Nous avons beaucoup d'inquiétudes parce que ce document est vieux presque d'une année. Si ce document sera affiché, je pense que les problèmes seront résolus. Ceux qui seront lésés pourront s'adresser à l'association ou bien si ils ne seront pas satisfaits, ils pourront venir au ministère pour que la question soit vidée. S'il advenait que le ministère ait des inquiétudes, ils pourront nommer deux ou trois personnes, même cinq, qui représentent le ministère et appeler l'association pour entendre les deux parties. Parlons infrastructure à présent. La route nationale numéro 3, route Bujumbura-Rumonge, tronçon Kinindo-Kanyosha, devient de plus en plus impraticable suite au nid de poules qui ne facilite pas la tâche aux conducteurs de différents engins motorisés. Les chauffeurs de ces engins déplorent le fait que ces nids de poules endommagent ces engins et les piétons ne sont pas aussi épargnés. Ils indiquent que lorsqu'il a plu, les véhicules leur jettent de l'eau sale qui stagne dans ces nids de poules. Les propriétaires des engins motorisés qui s'acquittent des impôts et taxes crient à la réhabilitation de cette route nationale numéro 3. Les détails dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyan. Les tronçons qui sont en état de délabrement très avancé sur la RN3, c'est en zone de Kinindo, tronçon Université Lumière jusqu'à l'avenue qui mène vers le petit séminaire de Kanyosha. Le deuxième tronçon se trouve entre la première avenue et la septième avenue en zone Kanyosha. Le troisième tronçon, c'est en zone Kanyosha même, tout près de la rivière Kidzingwe. Là, les eaux de pluie en provenance du quartier Kajiji coulent dans cette route Bujumbura-Rumonge, faute d'une canalisation. Ces eaux, aujourd'hui, menacent les avenues du quartier Nyabaranda. Les conducteurs des engins motorisés, à savoir les motos, les taxis-voitures, les minibus IAS et les bus Quaster, assurant le transport sur la RN3 route Bujumbura-Rumonge dans les zones Kinindo-Kanyosha, déplorent l'état des lieux de cette route pleine de nids de poules. Ces transporteurs des personnes et des marchandises disent que faire le transport sur cette route est trop fatigant suite à cet état de délabrement. Leurs engins sont aussi endommagés et passent tout le temps chez les mécaniciens pour réparation et remplacement des pièces qui leur coûtent énormément cher. Ces transporteurs et propriétaires des engins motorisés disent être choqués de payer des impôts pour leurs véhicules revus à la hausse ces derniers jours, mais que ces impôts et taxes ne leur reviennent pas, surtout à la réfection des routes en mauvais état, ont-ils ajouté. Les conducteurs de bus Quaster ont indiqué à la radio-télévision Isanganiro qu'ils sont dépassés car leurs bus vont bientôt cesser de fonctionner. Ceux qui ont requis l'anonymat ont précisé que les propriétaires de ces bus Quaster arrivent à leur interdire de faire le transport sur la RN3. Cette décision a des conséquences fâcheuses sur les passagers du sud de la capitale économique qui font face à un manque criant de moyens de transport, surtout pendant les heures de la matinée. Évariste Nzikobanyanga, assainir les caniveaux, tracer les courbes de niveau et planter les arbres fixateurs sont certains comportements que devraient adopter les populations qui habitent dans les zones menacées par les inondations et les glissements de terrain. Voilà quelques conseils donnés par un expert en agroécologie et changement climatique, ingénieur Innocent Baniguani Nzigo. Ce dernier le recommande au moment où le gouvernement a annoncé une forte pluviométrie durant cette ces eaux culturelles à tout de suite chronique. Radio Isanganiro, chronique santé. Certains médicaments à base d'estrogène pris par les femmes qui ont un problème d'ovulation est l'un des facteurs de risque du cancer du sein. Docteur Tania Gahama Ineza ajoute que l'autre facteur est lié au type de sein, comme les seins denses dont la formation du tissu interne est compacte. Ce médecin indique que la population ne devrait pas prendre en compte certains mythes autour de cette maladie, comme quoi le port de soutien-gorge serait l'un des facteurs de risque, Ornella Mucho. Lors de la précédente chronique santé, le médecin Tania Gahama Ineza avait expliqué qu'une masse dure dans un sein fixe ou mobile est l'un des signes du cancer du sein. Elle précise qu'il y a des facteurs de risque non modifiables, comme avoir des seins denses, des facteurs génétiques ou des antécédents familiaux, et des facteurs modifiables comme l'obésité. Les graisses des femmes qui apparaissent surtout au niveau du ventre, au niveau du cou, ont la capacité de stocker et produire l'œstrogène. Quand les autres femmes vont dans la ménopause, donc ça veut dire qu'elles ne sont plus exposées à l'œstrogène. Mais pour une femme qui a une obésité, ses graisses continuent à produire et à stocker l'œstrogène, donc leur exposition reste supérieure par rapport aux autres. Mm-hmm. Le deuxième facteur, c'est l'alcool et le tabac. Le tabac est vraiment incriminé dans beaucoup de cancers, mais quant à l'alcool, le principe général est que plus la consommation augmente, plus le risque augmente. Le troisième facteur modifiable, c'est la sédentarité. Le fait de ne pas faire du sport produit à l'accumulation des toxines. Quand une personne fait le sport, elle permet de dégager le stress, elle permet de dégager les toxines dans le corps, ça permet aussi d'avoir une bonne hygiène de vie. Il y a des mythes autour du cancer du sein, alors que c'est faux. Le médecin Gahama donne des éclaircissements. Il y a certains mythes et réalités qu'on dit à propos du cancer du sein. L'un des plus fréquents, c'est qu'on raconte que quand une femme se fait sucer le sein beaucoup de fois, ça peut diminuer ses risques d'avoir le cancer du sein. C'est faux parce que, comme je l'ai dit quand je parlais des facteurs de risque, j'ai parlé de l'absence de l'allaitement. Mais quand j'ai parlé de l'allaitement, j'ai dit que la prolactine, qui est une hormone qui permet la production de lait maternel, bloque l'œstrogène. Alors, ce n'est pas l'action de succion qui diminue les risques, plutôt c'est la production du lait maternel. Donc, la production du lait maternel qui signifie la production de la prolactine. Alors, le fait de sucer seulement ne réduit pas les risques de cancer du sein. Il affirme qu'il n'y a aucune preuve scientifique démontrant le lien entre le port d'un soutien-gorge et le cancer du sein. L'autre mythe qu'on entend souvent, c'est que les soutiens-gorges, certains soutiens-gorges, sont responsables du cancer du sein. Ça aussi, c'est pas vrai parce que le cancer du sein se développe à partir des cellules qui sont internes et pas de quelque chose qu'on a mis sur la peau. Ou bien, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des lotions ou bien des déodorants qui causent le cancer du sein. Et ça aussi, ça, on n'a pas encore démontré ça. C'est parce que ce qui se passe plutôt à partir des cellules. Il n'y a pas de cause directe liée au cancer du sein, à part les facteurs de risque, mais on peut essayer de le détecter tôt par s'auto-évaluer régulièrement. C'est ce que le médecin Tania Grama expliquera dans notre prochaine chronique santé. Merci à Ornella Mucho et Dr Tania Gahama Ineza. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.